J'avais mis une cafetière en route pour le bonheur, ce petit bonheur simple, dont tout le monde parle simplement, qui consiste à partager les premières voluptés du jour. Elle a repris sa place, moi la mienne, les yeux dans les yeux, mais surtout les miens. C'était comme un copier-coller du jour d'avant, une rediffusion. Sauf les dialogues. Elle n'avait pas encore touché sa pension d'invalidité. Un retard qui ne l'inquiétait pas, non. En revanche, le frigo américain avait été livré en début d'après-midi. Il était reparti aussitôt car il fallait payer quelque chose à la livraison. Pas grand-chose, mais comme je vous l'ai dit, en ce moment je traverse une mauvaise passe. Je n'ai plus d'argent. Je lui fis remarquer gentiment qu'elle aurait pu m'appeler. Je lui aurais avancé la somme. Et c'était dommage d'avoir à se priver d'un si beau frigo pour une livraison impayée. Impossible d'appeler car elle n'avait pas encore récupéré son forfait téléphonique. Avait-elle mangé quelque chose au moins? C'est important de se nourrir. Je n'osais lui demander comment elle avait payé les croissants. Oui, elle l'avait mangé, bien mangé même, dans un restaurant du port. Et vous ne devinerez jamais avec qui, me dit-elle. Et pendant ce temps, je regardais une petite trace de café qui bordait ses lèvres minces, et j'étais fasciné. Je ne suis pas très fortiche en devinette, mais je parierais pour un barbu costaud, dis-je en souriant. Je ne m'étais pas trompé. Elle avait revu le mec de l'autre jour, celui de la rue de la Soif qui espérait un repas aux chandelles, en tête à tête, et qu'elle avait délaissé pour moi. Et j'avais bien senti ce soir-là, dans le regard tourné vers nous, qu'il ne savourait pas vaincu le Gus. On ne fait pas plus têtu qu'un marin breton. Elle avait revu le gars par hasard. Vous savez, c'est une petite ville. Et cette fois, elle avait accepté de passer la soirée avec lui. L'apéro d'abord, puis le restaurant promis, sans les chandelles, c'est passé de mode. Et plus tard, bien plus tard dans la soirée, il avait voulu la sauter, bien sûr. Ils veulent tous le dessert, hein, c'est la conclusion logique, après un bon repas. Mais elle s'était esquivée avec malice, non sans lui hameçonner au passage quelques billets. Pas assez pour la facture du téléphone, mais suffisamment pour acheter des croissants. Comment les trouvez-vous, monsieur Campagne? Jamais je n'avais mangé d'aussi bons croissants, parole. Vous n'avez pas eu peur qu'ils deviennent violents? Sur l'instant, non, mais après, la peur est venue. Je me suis barricadé chez moi. Vous avez pu dormir, j'espère? Elle ne répondit pas. C'était inutile. L'insomnie brillait dans ses yeux, criait au secours, donnait à son regard une allure d'ambulance à la recherche d'hosto. Si cela vous rassure, vous pouvez rester ici le temps qu'il faudra. Ça ne me dérange pas. Ah, vraiment? Vraiment? Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? Demanda-t-elle d'un air soupçonneux. Quand vous me connaîtrez mieux, vous verrez que je ne suis pas aussi gentil. Mais j'ai le sens du partage. Peut-être parce que je n'ai pas grand-chose à partager. Peut-être aussi parce que cette valeur m'a été donnée dans la rue. Rappelez-vous, je vous ai parlé un jour de ma période clochard, et vous étiez sceptique. Pourtant, c'est la vérité. J'ai été clodo à Paris pendant 15 ans. Et je peux vous dire qu'entre nous, il n'y avait aucune gentillesse apparente. Chacun se méfiait de l'autre, le regardait comme un rival, sauf quelques-uns dont mon pote Zizou qui était la bonté incarnée. En revanche, le partage ou l'entraide, si vous préférez, régnait en maître. Dois-je en conclure que vous me voyez comme une clocharde? Demanda-t-elle. Mais pas du tout, qu'est-ce que vous allez chercher? Je fais la différence entre la clochardisation et les ennuis passagers. Je voulais juste dire que cette valeur d'entraide ne s'appliquait pas contre nous. Parfois, nous l'élargissions au-delà. Il m'est arrivé de dépanner d'une pièce un bobo nuiteux qui n'avait plus rien à poche pour rentrer chez lui en métro. Et je n'étais pas le seul à le faire. Je ne vous crois pas. Je sais, vous me l'avez déjà dit. Mais je connais quelqu'un qui pourra peut-être vous convaincre. Je pris le livre de Virginie Despentes et le posai devant elle. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Il est possible que son passage dans la rue ait été différent du mien, vous me direz. Elle ne parut pas étonnée. Vous l'avez pris à la bibliothèque? Non. J'ai essayé, mais pas moyen. Selon Madame Fargeau, le bouquin est plus demandé que la Bible. Je l'ai acheté chez Fabard, je vous l'offre. Elle me remercia, mais crut bon d'ajouter qu'en ce moment elle n'avait pas la tête à la lecture. Vous le lirez plus tard. Ensuite, nous avons parlé de son installation ici. Elle débuterait dès ce soir. Je lui laissai le canapé afin qu'elle soit plus près de la porte. Vous aurez un double des clés qui vous assurera une indépendance totale. Mais ce serait bien si nous pouvions être ensemble au moment des repas, pour des raisons pratiques. Je ne me voyais pas faire des allers-retours en cuisine. J'essaierai, je ne vous promets rien, me dit-elle. Je n'ai pas un grand sens pratique de la vie en général, de la cuisine en particulier, mais vous êtes chez vous. Si je déborde trop, je vous autorise à me licencier. Je ne vous en voudrais pas. À partir d'aujourd'hui, dit-elle en se marrant, je me considère en contrat à durée déterminée. Et si tout se passe bien, il faudra me donner une prime de précarité au moment de mon départ. Vous l'aurez, c'est promis. Après le café croissant, nous sommes allés chez elle prendre un peu de linge et son nécessaire de toilette. Pas de quoi remplir un sac de voyage, mais nous étions en été, une saison où les femmes s'habillent léger. Elle habitait bien au premier étage, une carrée plus grande que la mienne, mais pas mieux meublée. Le salon, surtout, donnait l'impression d'une terre brûlée après le passage des huissiers. On y trouvait une table basse, deux ou trois coussins, même le sol, et dans un coin, une chaîne stéréo d'un modèle ancien. Dans la chambre, ce n'était guère plus cossu. Il y avait un grand lit bas recouvert d'une couette blanche, une seule table de chevet, quelques livres posés en vrac, et une housse en plastique dans laquelle étaient pendues ses robes et ses pantalons. Cette carrière, elle sentait la misère et la solitude, le sordide froid. Avec ça, il y a des traces de bouleversement. Une armoire posée puis repartie, des chaises en paille dont il ne restait que la paille, un divan peut-être. Comme une espèce de va-et-vient du meilleur et du pire dans un grand désordre. Cette carrée, telle que je la voyais, c'était celle du premier étage, et telle que je l'imaginais vaguement, celle du rez-de-chaussée, quand le petit piaf n'est pas encore tombé du nid. Pendant qu'elle était occupée dans la chambre, je visitais la cuisine, et là, où redutronnait le frigo américain, j'en vis un plus petit, comme ratatiné sur lui-même et vide. Sur le chemin du retour, j'achetais une bouteille de vin blanc, car il fallait remplacer l'autre, celle que j'avais bu avec une grande soif mais en tristesse, qui avait valu à Houellebecq un coup de surin dans la gorge. Nous avons croisé la fausse concierge. Elle donnait des coups de chiffon sur la rampe d'escalier. Sans prévenir, Madame Roberts lui a dit bonjour très gentiment, mais elle l'appelait Madame Bronski, et quand je lui demandais pourquoi, dans l'ascenseur, elle m'a rétorqué que ça manquait de polonais dans mon immeuble. J'ai allumé le feu de la gazinière, posé le plat de calamar dessus, dressé la table, puis nous avons goûté le vin blanc et après, Madame Roberts en a mangé deux fois de suite, des calamars, et vraiment, ils étaient meilleurs échauffés. Elle parlait beaucoup, très vite, sans rien me raconter de sa vie, sans non plus poser de questions sur la mienne. Elle était plus loin dans le temps, dans une autre vie, avec d'autres personnes. Et je ressentais comme un coup dans la gueule cette exclusion. Elle était là, en face de moi, proche à me toucher, mais je suis sûr qu'elle ne me voyait pas. Elle était repartie sur son projet de création d'animaux en plastiroc, lequel ne réclamait pas un gros investissement, mais prenait beaucoup de temps. Le modelage de chaque pièce demandait 4 heures et presque autant pour la décoration. Ce n'était pas rentable. Elle voulait y apporter des modifications importantes qui passeraient par l'acquisition d'une imprimante 3D, capable de reproduire à l'infini des ours ou des tigres à partir du modèle original. J'allais lui rétorquer que le prix d'une imprimante 3D correspondait à environ 10 fois le montant de sa pension d'invalidité. Je n'en eus pas le temps, déjà elle était en route pour l'île de Sainte-Lucie. Dès la semaine prochaine, elle irait là-bas, non pour y récupérer sa fille, le père ne voudra jamais la laisser partir, mais pour s'y installer de manière définitive. Par son mariage, elle avait obtenu la double nationalité. Au même instant, il y eut du remue-ménage dans l'immeuble, les bruits d'une cavalcade et des appels à voix forte. J'appris plus tard que Madame Chouzy, logée au 4e, avait fait un malaise cardiaque. Les secours étaient venus et l'avaient emmenée aux urgences. Puis le calme est revenu, Madame Roberts aussi, elle a juste dit « C'est pas un immeuble ici, c'est un EHPAD ». Et sur ce, elle est partie sans dire où elle allait. Mais le savait-elle? Ah, vacherie de mémoire, saleté de souvenirs. Il ne me reste rien ou presque de cette période à la fois heureuse et malheureuse, pas même sa durée. On dit souvent que la mémoire est sélective, qu'elle efface le mauvais, ne garde que le bon. Alors la mienne doit être dyslexique ou rebelle, car elle fait l'inverse. Les moments heureux sont comme des rêves agréables dont on sort le matin au réveil, la tête légère mais l'esprit paresseux. Des rêves que tu voudrais rattraper au vol, et tu sais bien que ce n'est pas possible, qu'il est trop tard. Et tu te lèves en souplesse insatisfaite, conscient d'être passé à côté de quelque chose. Parole. J'ai presque tout oublié de ces jours heureux, comme on oublie un rêve. Peut-être ont-ils été écrasés par le poids des premiers jours, quand nous buvions, face à face, un café noir, mangeons des croissants chauds, qu'une fine trace humide et sombre était restée quelques instants au-dessus de sa lèvre, quand nous mangeons des calamars à l'armoricaine, bien meilleur échauffés, les yeux au fond des yeux, dans un profond silence rompu par une imprimante 3D qu'elle éponde dans des milliards de petites bestioles. Je sais tout d'une imprimante 3D, mais je n'ai plus la saveur des calamars. Vers qui se tourner? Je ne peux pourtant pas raconter que du malheur, non, ça je ne le ferai pas. Jamais je ne raconterai ce matin, ce serait inconvenant. La veille, camarades, nous avions discuté à bâton rompu, mais surtout elle, du budget commun, qui devenait de plus en plus difficile à gérer. Je l'ai déjà dit, elle ne percevait qu'une petite pension d'invalidité. Moi, je touchais le minimum vieillesse. Ce n'était pas grand-chose, mais, bien tenu en laisse, les deux revenus auraient dû suffire à boucler les fins de mois. À Paris, sous les cartons, nous aurions été les princes de la cloche avec un tel pactole. Je n'ai jamais su ce qu'elle faisait de son pognon, jusqu'à ce jour. Je crois que nous étions en juillet. Un chaud soleil éclairait la table où nous buvions le café. Elle a quitté l'appartement très tôt, comme d'habitude, et avant de refermer la porte, elle m'a lancé. « Je vais toucher ma pension ce matin. Ne faites pas de course, j'apporterai ce qu'il faut. » À midi, personne, je me suis fait des pâtes aux gruyères, à peu près tout ce qu'il restait dans le buffet de cuisine. Ma retraite, elle, n'arriverait que 3 jours plus tard. Le soir, je suis parvenu à dénicher un bol de riz que j'ai mangé sans grand appétit. Le pinard, bah, fallait pas y compter, hein? J'ai eu très envie de sonner chez M. Maréchal pour lui emprunter une bouteille. Peut-être que cela m'aurait aidé à l'attendre, à faire disparaître cette boule qui m'étouffait. Je n'ai pas osé. Maintenant, je me rends compte que son absence me perturbait bien plus que le manque de pinard. J'étais en manque, oui, mais en manque d'elle. J'ai été pris à la gorge par ma passion, et je ressentais ce que ressentent les amoureux quand ils sont séparés. Rien de plus, vacherie de mémoire. Quand elle est rentrée, je relisais une lettre de Colette, la frangine, reçue 2 jours plus tôt, et dans laquelle elle me demandait, entre autres choses, sérieusement ou pas, si maintenant je connaissais le prénom de Madame Roberts. Elle viendrait me voir avant l'automne, promis. Je levai la tête, je l'ai regardée entrer sans chercher à masquer une réelle détresse. « Quelle journée atroce » a-t-elle dit, en se laissant tomber sur le canapé. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas une question. Je lui demandais si elle avait faim. Et dans le même temps, je lui ai dit qu'il valait mieux pas, car les placards étaient vides. Même à la loupe, on ne trouverait pas une lentille verte. C'était ironique, bien sûr, persuadé que j'étais du bon repas qu'elle avait fait ailleurs, dans un bistrot de la rue de la Soif, évidemment. « J'ai l'estomac aussi vide que vos placards, » a-t-elle affirmé, et ça rajoute encore à l'atrocité de la journée. « J'ai fait une bêtise, une grosse bêtise. » Je ne pensais pas que l'on pût faire une plus grosse bêtise que celle de rentrer après minuit, quand on est attendu à midi, le sac vide, quand on doit rapporter les courses. J'étais bien loin du compte. Sans changer de ton, elle me raconta sa journée, du début à la fin, et ce fut comme si j'entendais le récit de l'Apocalypse. En sortant de l'appartement, elle était allée chez elle pour récupérer un grand sac de cuir, afin d'y mettre les courses prévues. Ensuite, ce fut le bureau de poste où elle perçut en liquide sa pension d'invalidité. « Je n'ai plus accès à ma carte bleue, » précisa-t-elle, ce que j'avais compris. Du bureau de poste, je suis allé directement dans une boutique de hi-fi, sans réfléchir. Je n'avais que la rue à traverser. Une fois dans la boutique, je me suis laissé entraîner par un tourbillon d'achat, mais pas au hasard, uniquement des choses dont j'avais très envie. Des CD, des écouteurs dernier modèle, une imprimante laser et d'autres babioles. Le sac était plein. Après, j'ai voulu rentrer chez moi pour y déposer les achats, peut-être écouter un CD, mais sur la route, j'ai rencontré une amie, enfin. Je ne sais pas si elle est vraiment une amie, elle était en voiture, avec 2 copains. Ils allaient sur le port assister à un concert gratuit de Manao. Vous savez, la tribu de Dana. Elle m'a proposé de m'emmener avec eux. Je n'ai pas dit non, j'adore le groupe. Il fallait y être en avance, si on voulait avoir une chance d'être bien placé. Un concert gratuit, vous pensez? Nous avons attendu plusieurs heures en buvant de la bière. Le groupe est arrivé et il s'est installé sur scène. Nous n'étions pas si bien placés que ça, en définitive, et à un moment, je me suis avancé, j'ai essayé de me frayer un passage vers la scène, mais c'était impossible. Il y avait trop de monde, et quand je suis revenu, mon sac avait disparu. Quelqu'un l'avait volé. « Parce que vous aviez gardé votre sac avec vous ? » m'exclamai-je. « Oui, je sais, je n'aurais pas dû. Mais le parking était très éloigné du concert. J'ai eu peur d'un vol dans la voiture. Je n'avais qu'une confiance relative en mon ami, et je ne connaissais pas ses copains. J'ai fait le mauvais choix. » Je restai un très long moment silencieux, comme assommé. Bizarrement, elle garda le silence, elle aussi. Elle semblait attendre je ne sais quoi. Peut-être une réaction de colère en forme d'indignation. Peut-être des mots de réconfort. Une compréhension amicale. C'est la colère qui prit le dessus. Ah, vacherie de mémoire, saleté de souvenirs. Tout me revient, présent, tout. Une honte rétrospective me submerge, me paralyse les doigts, veut me persuader que rien, jamais, n'a eu lieu, parce que ces disputes, la première d'une longue série, ben vrai, j'en suis pas fier. Et il n'est pas question d'en parler, honte sur moi, de dire que je lui reproche avec véhémence d'avoir dilapidé en moins d'une heure le revenu d'un mois, dans des conneries, merde, une imprimante laser, alors qu'elle n'avait plus d'ordinateur, faire autant d'achats inutiles, c'était de la folie. Elle fut un peu étonnée du mot, je suppose, mais elle me rétorqua, très calmement, que le pays comptait des millions de consommateurs et qu'il n'était pas fou pour autant. Il y avait une logique là-dedans, mais qui ne s'appliquait pas vraiment au contexte, alors je continuais sur ma lancée, lui reprochant cette fois le vol du sac, 500 € de marchandises, et pendant ce temps putain, on claque du bec, plus rien à se mettre sous la dent. « Qu'est-ce que cela aurait changé ?» me dit-elle. Le sac ne contenait pas de nourriture. C'était vrai. Après, je ne sais plus ce qui s'est passé, ce que nous avons dit ou fait. Comment a-t-elle pu dormir, le ventre creux? Ce dont je me souviens, c'est que le lendemain matin, elle était assise à la table de cuisine. Le visage illuminé d'un beau sourire, remuant sa cuillère dans un bol de café qu'elle me tendit. « Nos dernières cartouches, me dit-elle, vous en voulez ?»« Oui, je veux bien, mais... »« J'en ai bu la moitié, chacun sa part, » ajouta-t-elle. Je saisis le bol, posai mes lèvres là où elle avait posé les siennes, juste avant le beau sourire. Et ce n'était pas une semelle de godasse, le bol. Ce n'était pas un plaisir volé, non. C'était un plaisir offert. J'ai dit qu'il me restait 48 heures avant de toucher ma pension, et que j'allais me débrouiller pour que nous puissions faire un bon repas. Peut-être pas à midi, c'était trop court, mais ce soir, oui. J'en étais sûr. Ce soir, nous mangerions comme jamais. Je ne savais pas comment j'allais m'y prendre, mais j'avais ma petite idée. Elle s'habilla pour partir, me dit que je ne devais pas m'inquiéter pour elle, pour son estomac, précisa-t-elle, puis elle quitta l'appartement. Monsieur et Madame Maréchal sortaient au même instant. Je l'ai entendu qui les saluait d'un joyeux « Salut les maréchaux !» Je suis allé prendre une douche, puis j'ai sorti de vieilles fringues qui dataient de ma période Claude crasseux et je les ai enfilées. Parole, je me suis senti tout frais, bizarrement, comme ragaillardi par une trompette de jouvence. J'en revenais pas. C'était un vieux blouson de toile légère, déchiré au coude et dont la fermeture éclair était restée coincée à mi-parcours. Pour le bas, un pantalon de velours vert à grosses cottes. J'allais sûrement crever de chaud là-dedans, mais c'était pour la bonne cause et je partis en direction de l'église Saint-Sauveur. Dans le hall, la fausse concierge m'avait entrepris violemment. « Vous direz à votre ami que je ne m'appelle pas Bronski. »« Ce n'est pas mon ami, » répondis-je, « c'est ma mère. » Dans les années 40, elle a été très amoureuse d'un officier polonais qui est mort en déportation. Mais comptez sur moi, je lui passerai le message. Au revoir, Madame Bronski. Zizou aimait à répéter qu'en face d'un con, il faut renchérir. Sinon, tu l'isoles dans sa connerie et il devient aigri. Ma petite idée pour manger ce soir s'appelait Momo. Et je le trouvais, non pas devant l'église Saint-Sauveur, mais étendu sur un banc du jardin des petits diables, en train de finir sa nuit. Je le remuais. Il ouvrit un œil, me reconnut et me salua d'un bonjour, camarade. Sans vouloir entrer dans les détails, je lui expliquai toutefois l'urgence de ma situation alimentaire, que j'avais charge d'âme, certes un petit piaf, sans beaucoup d'appétit, mais qui méritait son vermisseau quotidien. « Je dois tenir 48 heures, dis-je, après je suis sur la berge. » Je savais que la solution Momo, bien que peu glorieuse, serait la bonne, qu'elle ne manquerait ni de piment ni d'efficacité. Il m'entraîna aussitôt sur les marches du centre social. « Ici, me dit-il, c'est le Taj Mahal de la Manche. Tu trouveras pas mieux dans toute la ville. Une chasse gardée dont je n'abuse pas et que j'occupe seul d'habitude. » Je fus très sensible à cette sollicitude et l'en remerciai. « Ici, reprit Momo, les gens qui entrent et qui sortent sont presque obligés de donner, sinon ils auront l'impression de trahir un idéal. » « Comment ça ? » demandai-je. « Bah, c'est simple. Beaucoup d'entre eux font partie du conseil municipal, et ce sont eux qui votent les décrets en faveur des pauvres. » Je n'étais pas tout à fait convaincu par son explication, mais je fis comme si. Je le vis entrer dans le bâtiment, disparaître un long moment, et à son retour, il me dit avoir vu le patron et obtenu son aval. En quelque sorte, j'étais adoubé. Il s'installa près de moi et me prêta une vieille casquette qu'il sortit de sa poche. J'avais pensé à tout sauf à la casquette. Momo connaissait mon passé de clodo. Nous en avions parlé ensemble très souvent. Quand il crut deviner mes appréhensions, il tenta de me rassurer. « Tu vas voir, mon pote, la manche, c'est comme la bicyclette, ça ne s'oublie pas. » Mais mes craintes ne venaient pas de là. Je savais bien que j'arriverais sans peine à soutirer quelques pièces au cuidam, en tout cas suffisamment pour la soupe du soir. Mes craintes, ma hantise plutôt, c'était d'être vue par Madame Roberts. Qu'aurait-elle pensé de la chose? Et j'allais plus loin. Je voyais comme une catastrophe suprême, une déchéance irréversible, le face-à-face inattendu avec Madame Fargeau et quelques autres connaissances dont n'était pas exclue Madame Bron, ma fausse concierge. Ah, elle se rengorgerait, la garce, de me voir à terre, moi qui, une heure plus tôt, l'avais remise à sa place. Mais rien n'arriva de fâcheux. Tout le jour, les pièces tombèrent en cadence dans la casquette. Momo ne resta près de moi qu'un petit moment, histoire d'engrainer la pompe. La manche se fait toujours en solitaire, parce qu'à deux, tu déstabilises le client. Il ne sait s'il faut donner à l'un ou à l'autre. Alors, par esprit de justice, il ne donne à personne. Au retour, il fut grandiose, Momo, quand il déversa devant mes panards assoupis le montant de sa journée, beaucoup plus gros que le mien, et décida de partager de manière équitable nos deux recettes, ce qui me permit d'acheter assez de nourriture pour tenir le temps nécessaire. Momo était ravi. Il m'a demandé si je revenais demain, camarade. J'ai dit non, qu'il ne fallait pas abuser des bonnes choses. Il en fut encore plus joyeux. S'il connaissait ma vie passée, je n'ignorais rien de la sienne qui m'avait été racontée par un frangin de poisse. Loin derrière nous, Momo avait vécu dans la ville où il exerçait les fonctions de conseiller fiscal. Il était marié à une avocate aux affaires civiles, père de deux enfants, et toute la famille vivait dans un hôtel particulier cossu de la rue Chateaubriand. À cette époque, on peut miser gros qu'il faisait partie de cette classe bourgeoise qui toise avec condescendance la classe ouvrière dans toutes les petites villes de province. Puis sa femme prit un amant. Le divorce eut lieu. Elle obtint la garde des enfants et la déchéance du père par le stratagème classique et fort dégueulasse qui consiste à porter des accusations d'attouchement sexuel sur les gosses. On ne se relève pas de ce merdier, à moins d'être un coriace. Momo sombra par épisode. Il y eut d'abord un suicide manqué, l'alcool, le détournement de grosses sommes sur des comptes clients, une autre forme de suicide, l'arrestation, le jugement, la prison et au bout, la rue. Il avait tout perdu, Momo. Son boulot, sa famille, son logement, mais pas sa fierté, puisqu'il resta dans la ville de sa chute en s'excluant de facto des deux classes. Et maintenant il toisait de bas en haut, les bourgeois qui ne lui en voulaient pas d'avoir trahi son camp, se montraient pleins de charité chrétienne. Et il se faisait toiser de haut en bas par les ouvriers qui avaient peut-être la sensation de prendre leur revanche. Avec Momo, les pauvres étaient encore plus généreux que les riches.